fous partout. À la pute plein sous, trop de vicieux, je vois roux. Tu sais pas, t'es malou. Tu sais que c'est la street, mon cousin. Fais gaffe par qui tu te fais pousser. Je montre jamais ma douce. Une critique, c'est un foussé. Je fais bandit ma femme. Elle conduit le 4x4. J'éteins les réseaux, je me sens mieux comme ça. Je me sens léger, mon cœur. C'est ma vie, mes fans. Te manque pas avec eux. Les fils de même pas aimeraient vivre ça. Ils m'envient peu, j'gère. J'ai pas d'armes dans le coffre. Je raconte pas ma vie au folle. Y'a le signe Audi sur le moteur. Je me la pète jamais pour Titi. T'es plein de manie, ni, ni, ni. Tout le temps tu fais comme ça. Je vais t'effacer de ma vie. Pas mérité ça, t'es plein de manie, ni, ni, ni. Tout le temps tu fais comme ça. T'es bizarre, Gary. Écarte-toi de moi. Dans ma mama, dans ma mama. Après, j'suis dans ma mama. Dans ma mama, dans ma mama. Dans ma mama. Après, j'suis dans ma mama. Dans ma mama. Tu fous, n'y a pas de montre à deux corps. Tu chantes ton habitat de port. J'suis costaud, t'en mets deux pas. Si on m'achète de bois, je suis encore plus fier qu'on met de pas. Que je trouve, je m'arrête pas. J'ai assez souffert comme ça. Je m'appelle pas, je t'appelle le poids. T'as que les vrais qui restent. Ils peuvent dire des phrases qui blessent. Plein de mon sang, après ils te laissent. Je sais ce qu'ils vont en finesse. J'ai pas d'armes dans le coffre. Je raconte pas ma vie au folle. Y'a le signe Audi sur le moteur. Je me la pète jamais pour Titi. Plein de manie, ni, ni.